La rue et ses artistes. Bronstil, Zoneur, Zaya. Tu pensais peut-être que j'allais partir à ce moment. Non, artiste je suis, mais pour vous, MC amateur, à vos oreilles, je le sais. Inconnu, je suis, de nulle part, je sors. Mais bientôt, à mon tour, ce sera, je le sais. Tôt ou tard, je le sens, car à mon appareil auditif, oh, je suis bel et bien artiste à part entière. Peut agir, la nuit ou le jour, comme le poète et le peintre ne me forcent jamais. C'est juste les jours qui m'inspirent. Alors, admire le style et l'écriture, admet que c'est de l'art, bon style pour leur l'art. Rapporte de l'or, mais les hommes du bon s'en foutent de l'argent. Pour l'instant, le slogan est innovant, imagine comme le hip-hop est large, immense comme mon bas XL. Pourtant, tant tourneront, mais nous tenterons pour notre part d'élargir notre champ de vision de l'eau en large. Un peu comme le sculpteur tripote l'argile. Donc, artistiquement, le bon style est agile. Yo, ce milieu RAP est volumineux. Moi, lui, eux, repérés par les vraies valeurs de smooth. Nous, vous, ils voulons innover en nerveux. Mes masses de morveux s'imaginent manger nouveau. Personne ne révolutionne un mouvement aussi large et immense, marchant sur les massifs. Rap français souffre comme une chatte, accessible et s'écarte. Yo, dans un sens moral et sensé. Est-ce que tu regardes quand l'abstrait passe à l'auditif? Gare au geste qui tue, gare à l'appétit, car quand tu esques. L'artiste n'est pas triste lorsqu'il arpente leur piste du gigant. En vitesse et sans casque, le réajusteur s'encastre dans le majestueux. Ne juge pas l'homme et son joint, vois plus loin l'artiste qui se cache en arrière-plan. Film noir et blanc, c'est du rap en couleur. Ne juge pas l'homme et son joint, vois plus loin l'artiste qui se cache en arrière-plan. Rap d'enculé, miraculé par là. Pour ceux qui nous connaissent, on est désordonné, peu importe. Chacun de notre côté, chaque texte qu'on apporte, est de l'art donné à l'autre, qui ainsi de suite le fera passer à l'autre. Et suis le refrain, rien à voir avec. Seuls les mains de la thèse connaissent la fin. Finalement, appelle-nous bon styleur, bon styliste. Même contexte que le texte, tes thèmes. De toute façon, que t'aimes ou pas, je continuerai à me procéder comme ça me convient. Pour qu'enfin on ne confonde pas ce qu'on fait, se confonde. Bon style, conception, dans le move trop se confond. C'est la sculpture platine. Est-ce le fait d'avoir pas une thune qui remet en question la structure? On me rit au nez, ça me rend nul, leur fait marrer, passe marionne. Je demeurerai marionnettiste, le leur. Dis donc du con, dis donc que tu dis l'indigeste de débit. Ce que l'individu de sonneur est dit, je digère leur en injure. C'est là, et c'est là où l'anti entre shampoing et yeux me laisse agir. Arme à feu résolvant, dilemme, sonneur, style homme, revolver. Bon style, reflète le mot larvaire. Yo, yo, bon style. Ne juge pas l'homme et son joint. C'est du rap en couleur.